Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. On parle de la grève générale votée hier avec le président de la GEQTR, Hugo Maillot-Couture. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et notre stagiaire Gabriel nous présente sa chronique. Assemblage requis commence maintenant. Aïe, ah, yes! Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 15 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, juste à côté de l'endroit historique où s'est votée la grève hier. Oui, exactement. Grève générale illimitée qui a été adoptée par les étudiants au CAPS de l'UQTR. Oui, on va parler avec Hugo Maillot-Couture, le président de l'AGEQTR, d'ici la fin de l'émission. On va vous tenir au courant de tout le dossier, de comment le vote s'est déroulé. Oui, exactement. Le pourcentage, ouais, etc. Pourcentage record, d'ailleurs. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, on en parle tantôt. On aura aussi Simon Fitzbé en deuxième heure avec sa chronique Phénomène. Il nous parle de Phil Ox, un chanteur engagé des années 60. Forme d'homme. Phénomène tantôt. On va aussi avoir Gabriel, notre stagiaire depuis le début de la semaine, qui va nous présenter une petite chronique musicale tout à l'heure. Hey, on le voit, il est juste là, il existe pour vrai, c'est vrai. On a aussi une chronique scénique aujourd'hui. Formidable. Je pense qu'on va commencer l'émission d'ailleurs avec la chronique scénique. Exactement, mais on écoute pour l'instant Marie-Pierre Arthur. Voici Phil de soie. 89 FM, c'est fou. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Malpierre Arthur, la pièce file de soi sur le CD aux alentours à Assemblage Requis au 89 FM. Toujours avec François Marchand et Mathieu Plante. On va accueillir quand même Gabriel. Si jamais Gabriel veut participer à la chronique, si jamais tu as quelque c'est chose Nix, à dire. Mais oui, certainement. Il est là, ton micro. Si jamais tu en as besoin, tu ressens le besoin. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ah, super, super. Yes, sir. Hey, génial. D'ailleurs, tu vas faire une chronique un peu plus tard. Ouais. En fait, tu vas nous présenter quoi, des pièces que t'aimes bien? Finalement, une toune de rap francophone. OK. Une autre anglophone. OK, formidable. Merveilleux, ça, j'ai hâte d'entendre ça. Mais pour l'instant, on parle de choses geek. Voici Cynix. Cynix, la chronique de la bibliothèque, la radio. On commence aujourd'hui avec une nouvelle qui est geek par la bande. C'est une étude qui le prouverait enfin. Les capacités cognitives masculines sont affectées par la seule pensée qu'il y a une femme dans les parages. Des chercheurs de l'université de Radboud, aux Pays-Bas, ont soumis des hommes et des femmes hétérosexuels à la même épreuve de traitement d'informations concurrentes, le classique test de Stroop qu'on appelle. Le test était présenté deux fois à chaque individu, soit avant et après un exercice de lecture à voix haute via webcam où les participants étaient supposés observer par une personne en dehors de leur champ de vision. Voilà. On prenait soin de mentionner que cette personne était du même sexe ou du sexe opposé. Du côté des femmes, les résultats avant-après l'exercice de lecture ont été constants. Les hommes, quant à eux, ont vu leur score baisser sérieusement après qu'on leur ait dit qu'une femme les regardait. Pas surprenant, quand même. Non. Ça me surprend pas du tout. Les chercheurs néerlandais ont poussé l'étude un peu plus loin. D'autres candidats ont pris part aux mêmes deux tests de Stroop en étant avertis qu'ils seraient observés lors de l'exercice de lecture à voix haute, exercice auquel ils ne participaient pas au bout du compte. Encore une fois, aucun effet du côté des femmes alors que les capacités cognitives des hommes ont piqué du nez. Conclusion, la seule anticipation d'avoir une femme à ses côtés, même sans interaction directe, nuit grandement aux performances intellectuelles des hommes et ce, sans qu'on précise la beauté de la femme en question. Juste le fait que ce soit une femme pour quelqu'un d'hétérosexuel, évidemment. Ça vient affecter ta façon... Ça vient de perturber. Oui, dérangeant. C'est dérangeant. Une autre étude maintenant, la télévision qui perd du terrain. Depuis l'arrivée d'Internet et des téléphones intelligents, les télévisions doivent travailler très dur pour se démarquer puisque la concurrence est tellement rendue forte dans le domaine de l'électronique. Une nouvelle enquête de InMobi révèle que les gens consacrent de moins en moins de leur temps réservé aux médias, aux télévisions. À qui la faute? Au téléphone cellulaire, nous dit-on. En effet, ces petits appareils ont réussi à damer le pion au vénérable téléviseur. Selon les données d'une enquête faite du mois de septembre à novembre 2011 dans 18 pays auprès de 20 000 personnes, les gens consacreraient 27 % de leur temps destiné aux médias au téléphone, comparativement à seulement 22 % pour les télés. 2012 devrait être difficile pour la télévision. En effet, d'après le PDG d'InMobi, Naveen Tewari, la popularité des cellulaires va augmenter cette année au profit des télévisions. D'ailleurs, on l'a vu, là, les téléphones cellulaires ont de plus en plus la télé dessus. Là. Toutes les compagnies affichent le fait qu'on peut avoir des matchs de sport. Ouais, ouais, tout à fait. Une autre enquête, cette fois-ci de KPMG, arrive aux mêmes conclusions. Les sondés de 31 pays ont affirmé dans une proportion de 51% préférer regarder leurs émissions de télé ou leurs émissions et films sur ordinateur par l'entremise d'Internet, alors que 24% préféraient leur téléphone intelligent. Peut-il y avoir une complémentarité entre les deux appareils? Certains croient que oui. En effet, plusieurs regardent la télé en ayant en main leur tablette ou téléphone pour commenter en direct, en faire du twivage, qu'on appelle, là. Regarde la télé en clavardant sur Twitter. Voilà. Vous, les gars, François, un peu plus de mon âge, est-ce que t'écoutes la télé sur Internet? Est-ce que... Ben, j'écoute... moi, en fait, je suis un fan de Tout.tv. Ouais. Je pense que ça s'arrête pas mal, là. Pour la télé sur Internet. Toi, Gabriel, t'as 17 ans, c'est ça? Moi, sincèrement, c'est quand je me couche. Quand tu te couches, t'écoutes... La télé? Ouais, sur Internet? J'écoute les petits comiques. Ah ouais? C'est correct. C'est bien que ça. OK, c'est bon. Ah oui. Donc, continuons avec l'Encyclopédia Britannica qui cesse sa version papier. Ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de publier la version papier pour se concentrer sur la version numérique. Donc, parlant de gens qui ne passent que leur temps sur Internet. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, une version en ligne est plus abordable pour eux. J'imagine pour eux, ça coûte moins cher à faire. Et pour les gens à acheter, ça va être moins cher aussi. C'est aussi plus facile de la mettre à jour. Évidemment, quand tu sors une encyclopédie, c'est une erreur ou que les avancées dans un domaine, tu peux pas les écrire dedans. Donc, il y a plus de contraintes physiques, oui, puisque dans un livre, il faut respecter le nombre de pages, de caractères, de plein d'affaires, là, les marges, tout ça. La recherche est également plus facile en ligne grâce aux divers outils de la technologie moderne. Contrairement aux livres, on peut y inclure des éléments de multimédia, hein, des vidéos, des liens Internet pour faciliter la recherche. En fait, moi, c'est ça. C'est ce que ça me fait dire, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir l'encyclopédie papier. Là. Non. La plupart du temps, si tu cherches quelque chose, ça donne rien. Une encyclopédie aujourd'hui... c'est rarement utilisé, on dirait. Ben, ouais, avec Internet. Mais malheureusement, parce que je veux dire, les informations d'une encyclopédie sont plus fiables que Wikipédia. Oui, non, c'est ça. Mais justement, ça, si tu peux t'inscrire à Encyclopédia Britannica pour pas trop cher, que t'as pas à t'encombrer les grosses briques de papier dans ta maison. Exactement. Tout le monde gagne. Tout à fait. Bon. Et les arbres gagnent aussi. Oh! Petit message ici. ici, on passe à un autre domaine, celui des DVD. Walmart qui s'apprête à offrir un service de numérisation de DVD à ses clients. Oui, on parle de Walmart. À partir du 16 avril, en apportant leur collection de DVD ou de Blu-ray au service photo de Walmart. Hein? Service de photo. Les clients pourront convertir leur collection en titres numériques accessibles en tout temps grâce à leur ordinateur, tablette ou télévision connectée. Ils peuvent même repartir avec leur disque, leur Blu-ray ou leur DVD. Walmart affirme avoir sondé des milliers de consommateurs pour en arriver à la conclusion que les acheteurs veulent tout avoir. C'est ce qu'ils ont demandé. Ils souhaitent posséder le disque tout en ayant accès à la convivialité du nuage informatique, le cloud. Selon Walmart, ce nouveau service permet aux consommateurs de revoir les films qu'ils possèdent déjà sur leurs nouveaux appareils intelligents tout en préservant l'investissement qu'ils ont fait en se dotant d'une collection de DVD. Seuls les films de Paramount, Sony, Fox, Universal et Warner Brothers sont éligibles au programme. On peut s'attendre à ce que certaines compagnies soient contre cette procédure-là. Il va coûter 2$ par disque. Il va aussi être possible de payer 5$ pour passer à la version haute définition. Ah ah! Là, elle attrape le 2$ pour une version en définition standard en 2012. Là, c'était une définition standard Porsche. Là. Ouais, ouais. Tu sais, il me semble, Caroline. Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi offrir l'option? Je comprends pas. Mais bon. Peu importe, un service qui donc s'en vient aux États-Unis. Et puis, Walmart n'a toujours pas indiqué s'ils vont offrir le service oui, au Canada. Et si c'est le cas, ça va sûrement être dans quelques années. Hein, le temps de voir si le succès est vraiment là. Insolite nouvelle surprenante qui met en scène un jeune Indien qui, après 25 ans, est finalement rentré chez lui en partie grâce à Google Earth. Il n'est pas rentré chez lui en partie. les services de cartographie de Google sont souvent au cœur d'histoires particulièrement insolites. Ces derniers ont notamment permis aux scientifiques de découvrir des sites archéologiques et à la police de repérer des chars de marijuana. Les articles sont sur assemblagerequis.com. Certains s'en servent pour promouvoir leur société, tandis que d'autres les utilisent pour chercher des personnes disparues. Cette fois-ci, c'est le logiciel Google Earth qui a permis de réunir les membres d'une famille. En 87, Saru Birli, un jeune Indien âgé de 5 ans, était en train de mendier avec son frère dans une gare. Après s'être perdu, il tenta de rentrer chez lui, mais prit le mauvais train. Dans son récit livré au magazine The Mercury, il explique s'être endormi avant de se réveiller 10 heures plus tard à l'autre bout du pays. Après avoir tenté de retrouver son chemin, il fut finalement placé dans un orphelinat, puis adopté par une famille. Il avait 5 ans à cette époque-là. Il explique « J'ai gardé en tête les images de la ville dans laquelle je suis né, comme les rues dans lesquelles j'avais l'habitude de traîner. Sur Google Earth, j'ai passé énormément d'heures à zoomer et à dézoomer à la recherche de quelque chose de familier. Il finit tout de même par reconnaître la gare de Kandwa et ses alentours, d'où il perdit son frère de vue voici 25 ans. L'homme est finalement rentré chez lui il y a 3 semaines. Je sais pas s'il y avait quelqu'un pour l'accueillir à ce moment-là. Hein? On espère. Je pense qu'on se trouve des gens précis. Pas mal, hein? En tout cas. Bonne nouvelle quand même de la part de Google Earth. Toujours au sujet de Google, les prochains smartphones Android vous assourdiront-ils de publicité pour proposer des appels gratuits et illimités? Eh bien, probablement pas, mais juste au cas où, Google a tout de même déposé cette idée-là. Ça a été proposé en mars 2008. Le document en question a été validé par l'USPTO, qui est l'organisme chargé de superviser les propriétés intellectuelles et les marques aux États-Unis. Ce brevet décrit un mécanisme remplaçant la tonalité de retour d'appel par une publicité audio. L'utilisateur serait pour sa part en mesure de sélectionner une thématique pour ces publicités-là. Le système de Google se propose de mieux cibler vos goûts, donc ce dernier serait capable de comptabiliser le nombre de secondes entre le début de la publicité et le moment où votre interlocuteur, oui, interrompra celle-ci en répondant à votre appel. Donc c'est vraiment à la place de sonner dans ton téléphone pour te dire que tu es en train d'appeler la personne. Tu sais, le dring, dring, dring, ça serait « Hey, vous avez besoin de tel produit? » Oh mon Dieu. Mais câlin, hein? Mais au moins, c'est juste toi qui l'entends, c'est pas ton interlocuteur. Ouais. Tu le forces pas à entendre la pub, ça, c'est la bonne chose. Le temps d'écoute d'une annonce servant à peaufiner les goûts du Mobinote sera également pris en compte pour la somme facturée à l'annonceur. Plus sa publicité aura été écoutée longtemps, plus cher il sera facturé. Donc, si la publicité s'interrompt après deux « en guillemets sonneries », ils vont recevoir moins d'argent. Reste à savoir si Google va mettre ce système-là en application. À première vue, ça semble davantage cibler le service Google Voice, qui est un système de téléphone en ligne et non pas les téléphones physiques pour l'instant. On dit ça, Google Voice. D'ailleurs, si vous voulez vous servir de Google Voice, c'est google.com/voice. Deux chercheurs de l'université de Nice, Sofia Antipolis, si je comprends bien, c'est le nom de l'université, sont en train de finaliser une application pour téléphone intelligent permettant de déterminer automatiquement, en fonction de ses paramètres personnels, l'itinéraire urbain piétonnier le moins pollué. Ouais. Oh ouais. Un chercheur au CNRS et spécialiste de la qualité de l'air en milieu urbain ainsi qu'un doctorant ont mis au point un prototype d'application testé sur le réseau urbain de Nice depuis 2006 et qui a été présenté au dernier colloque du cancéropôle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en février. Il doit être expérimenté grandeur nature à la fin de l'année en vue d'une commercialisation au premier semestre de 2013. L'idée a germé dans la tête le chercheur au CNRS, là, Gilles Ménian. Et lorsqu'il est devenu père en 2005, il dit « Par où faut-il que je passe avec mon fils en poussette pour éviter qu'il soit trop exposé à des affaires toxiques, des affaires pas bonnes? » Donc, c'est pour ça qu'il a mis au point cette application-là qui va indiquer qu'il n'indiquera pas nécessairement le même chemin à travers la ville suivant que l'on est un adulte, un enfant, une femme enceinte ou une personne âgée. Et la précision de l'outil dira même quel trottoir emprunter dans une même rue. Le bord de la rue. Ah ouais. Et câlinant, c'est poussé, là. Ça te dira pas, par contre, si tu dois changer de côté de rue à cause qu'il y a quelqu'un qui veut te vendre un journal dans la rue ou des mendiants. Ça, ça serait utile. Moi, c'est ça. Mais c'est dépendant des gens, tu sais. Faut être généreux dans la vie, quand même. Un homme qui poursuit Siri parce qu'il est qui poursuit Apple parce qu'il est déçu par Siri, le service sur l'iPhone 4S où tu peux demander dis-moi quel restaurant il y a dans telle place ou envoie un message à telle personne. Donc un utilisateur du dernier téléphone d'Apple, l'iPhone 4S, a porté plainte aux États-Unis contre le fabricant en lui reprochant les performances en deçà des attentes pour la fonction d'assistant par commande vocale Siri. Sa plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral en Californie et consultée en ligne mardi accuse Apple de représentation erronée, délibérée et de concurrence illégale. Les avocats du plaignant, un New-Yorkais dénommé Frank Fazio, ont demandé que l'affaire soit classée en poursuite en nom collectif, ce qui permettrait potentiellement à des millions d'utilisateurs de s'inscrire et de se faire dédommager. Siri est une fonction, qui permet de parler au téléphone et recevoir un petit peu de l'assistance comme une secrétaire. À la sortie de l'iPhone 4S ou d'une réceptionniste, je pense que c'est peut-être péjoratif, secrétaire. À la sortie de l'iPhone 4S à la fin de 2011, Siri avait fait une tellement bonne impression que le président du conseil d'administration de Google y avait vu une concurrence pour son moteur de recherche. Ouais. Hey boy, hein? Il a eu peur, lui? Et on dirait que oui. Je vais vous laisser aller lire quelques articles sur assemblagerequis.com. On va sauter par-dessus un article qui parle de la technologie qui aurait des effets néfastes sur nos jeunes. C'est un long sondage fait chez les Britanniques qui nous donne, dans le fond, ce que les Britanniques de 5 à 13 ans savent faire, comme faire fonctionner un lecteur DVD, se connecter à Internet, utiliser une tablette, et ce qu'ils savent pas faire. Par exemple, reconnaître 3 espèces de papillons, réparer un pneu, réaliser un nœud coulant. Donc, c'est une étude qu'on a fait pour comparer le passé au présent très, très technologique. Allez voir sur assemblagerequis.com. Il y a aussi un article sur la vente des iPads. Le nouvel iPad à partir de vendredi, donc un article qui parle de ça sur assemblagerequis.com. Paquet d'articles donc à aller voir que je vous mentionnerai même pas. Il y a aussi le sommet international du jeu de Montréal qui aura lieu les 13 et 14 novembre prochains au Hilton Montréal Bonaventure. Et puis, voilà, je pense que c'est assez pour les nouvelles. On vient avec un petit tour du net rapide. En sautant encore quelques affaires. Allons-y. Aujourd'hui, c'est la journée pi. On en parlait hier, c'est la journée du pi. Donc le 3.1416, là. C'est aujourd'hui. C'était hier. 3.1416. Il y a un hommage là-dessus sur Internet. Le lien sur assemblagerequis.com. Des trucs sonores que je vais sauter. Un blog, un nouveau Tumblr. C'est cholafide.com. C-H-O-L-A. C'est Chola, je pense. Cholafide.com. Qui est, tu sais, les femmes latino, il y a un certain stéréotype de la femme latino qui se maquille beaucoup. Tu sais, qu'il y a des sourcils très, très, tu sais, redessinés, puis du maquillage noir autour des lèvres, là, une petite trace noire autour des lèvres. Donc, c'est un blog qui montre vos vedettes préférées, comme, mettons, Nicolas Cage. Cholafide, cholaifié, là. Donc, ça les montre en tant que... Ah, ouais. Faites au Photoshop? Avec du maquillage, oui, Photoshop. T'as le gars de show Star Trek, là, t'as un paquet de gens très très connus, donc allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Et on se quitte en chiptune très rapidement pour pouvoir parler d'autres choses après. On écoute Sofa Spartan avec Taking on the Impossible. Et on fait découvrir le chiptune à Gabriel qui nous disait qu'il ne connaissait pas ça. François voulait connaître son opinion. Je suis intrigué. Est-ce que écoute bien ça. J'en ai choisi une courte mais mouvementée. On va y baisser le son et donner une chance, sinon. Il est fin avec moi. Vous écoutez CNX. Ça, c'est fou. L'artiste s'appelle Sofa Spartan et la pièce est Taking On the Impossible. Gabriel, verdict, toi, tu trouves pas ça si pire que ça, je pense. Non, j'étais surpris. T'aimes mais, ça ou... Hein? Je m'attendais à du gros Skrillex, quelque ouais, chose d'agressant, là, mais non. Mais celle-là était pas si pire, tu sais. Mais c'est ça, était plus ça dépend des jours. Ouais, ouais. Il y a des jours où c'est plus relax, il y en a où c'est plus intense. Je peux comprendre certaines personnes de ne pas aimer ça. François est le premier, donc s'il y avait l'occasion de changer de poste. En studio, il peut pas changer de poste, c'est moi qui ai le contrôle. Toujours là. Donc, toujours assemblage requis, 7h23. On reçoit François Landry, qui n'a pas de chronique politique aujourd'hui, mais qui vient nous parler quand même. Bonjour. Quel l'air, bonjour, soit dit en passant, en pleine forme. Ah, pas tard, hein? Oh, excusez. Ça n'a pas dormi, ben. J'ai pas dormi, je suis réveillé depuis 25 heures. Donc, je suis éveillé, je travaille depuis 25 heures en ligne. Et tu continues jusqu'à ce soir? Et je continue encore pour 48 heures en ligne. Bonjour, hey. Donc, attendez-vous à ce que lundi matin, je suis plus comme ça, mais à quelque part sur l'autoroute. Sur l'autoroute? Ah. Sur l'autoroute, écoute. C'était la bonne place. Ouais, écoute. François Landry, d'ailleurs, qui est l'attaché politique de l'OGE. Oui. Hier, écoute, c'était l'Assemblée générale spéciale. Hier et cette nuit, je dirais. Ouais, ouais, ça c'est s'est ça. Terminé aux petites heures cette nuit. OK. Mais effectivement, oui, à 18h30, les étudiants étaient conviés à se présenter au CAPS de l'UQTR. Donc, on avait réservé 4 gymnases dans l'espoir d'avoir 1000 étudiants, mais nous avons eu 2500 étudiants. C'est un record historique dans les annales de l'AGUQTR. Habituellement, 600 personnes qui votent. 800 personnes qui accueillent des gros conflits. Ouais, c'est ça. C'est ça. 800, c'est quand même. C'est une bonne AG. Ouais, c'est donc, ça, exactement. Nous, on espérait au moins un chiffre de 1000. On a eu 2500 étudiants qui se sont déplacés pendant entre 18h30 et 3h du matin. OK. Donc, on peut s'entendre qu'on est fiers de nos étudiants présentement à l'UQTR. Ouais. Ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. Entendre leur point de vue pour ou contre la grève parce que c'était le sujet à discuter à l'Assemblée générale. Pour ou contre la grève. Et les étudiants ont fait ça dans un calme tellement relatif, dans un respect, des débats harmonieux, très articulés. Il n'y a pas eu de violence ou de quelque chose de spectaculaire. Il n'y a personne qui s'est fait sortir. Du tout, du tout, du tout. C'était vraiment harmonieux. Et bon, vous savez que ça fait longtemps que je milite dans le mouvement étudiant, depuis que j'ai l'écho chauffé à peu près. Et j'ai versé une larme cette nuit quand j'ai vu les résultats. Mais surtout, comment ça s'est passé. C'était vraiment magnifique et puis maintenant je peux mourir. Non, on veut pas que tu meurs tout de suite. Non, je peux aller dormir au moins. Ouais, ça va faire pareil pour et l'instant. Et puis, écoute, c'est ça, l'heure était 6h30. En fait, c'était ouais. 18h30 l'heure officielle. Les portes ouvraient à 17h30. Et puis, ça a commencé à quelle heure? Je sais que à ça... 8h06, l'Assemblée générale a débuté. Il a fait une heure et demie après. Oui, parce wow. que il y avait tellement de monde dehors. C'est... Bon, vous connaissez le CAPS un peu. Il y a la côte qui est entre pavillon chiropratique et le CAPS, c'est le pavillon de la santé. Ouais. Donc, ça descendait la côte et ça allait jusqu'en avant du CAPS. Donc, il y avait deux côtés du CAPS qui étaient plein bondés de personnes. Et donc, on a dit, on va attendre jusqu'à temps que le maximum de personnes rentrent. C'est ça, est-ce que tout le monde a pu entrer finalement? Tout le monde est rentré parce que on lisait l'ordre du jour, les procédures, comment ça marche, pourquoi il y a eu ça. Donc, le monde a eu le temps de rentrer, de s'inscrire, de s'installer avant qu'il y ait de débat. Okay. Donc, tout le monde présent sur place a pu entendre, débattre et voter en toute liberté, en toute connaissance de cause. OK. Et puis, c'est ça. Ben, en fait, on a vu des commentaires là, qu'il y en a qui disaient qu'ils n'ont pas pu rentrer. C'est ce que j'avais lu aussi, mais... Non, tout le monde a pu rentrer. Ceux qui n'ont pas pu rentrer, c'est parce qu'ils avaient oublié leur carte étudiante et c'était un prérequis afin d'éviter des agents provocateurs de l'extérieur et que seuls nos membres puissent rentrer. Ceux qui n'ont pas pu rentrer non plus, c'est bon les observateurs, ceux que leur carte n'était plus valide. Les observateurs n'avaient pas le droit? Oui, on les a fait rentrer, mais dans une section réservée à eux. Ils n'avaient pas le droit de voter un enclos. C'était effectivement le nom. C'était l'enclos à journalistes et à observateurs qui a été largement débordé parce qu'il y avait trop de monde dans la salle. Ouais. Donc, et ceux qui disent, oui, effectivement, qu'ils n'ont pas pu voter, c'est parce qu'il y a eu 3 votes de prix pendant l'AG. Donc, le premier vote où tout le monde a voté, c'était pour tenir une journée de grève le 22 mars, qui a passé à peu près à 80-85%. Je ne veux pas dire de chiffres parce qu'on n'a pas compté. C'était largement majoritaire. Mais c'était majoritaire, donc. Majoritaire, très quand large. Quand c'est évident, on ne compte pas. C'est exactement. Quand il y a 6 mains qui se lèvent contre, on s'entend que pour, c'est le reste. Et puis, ensuite, le monde a commencé à quitter puisqu'on dit, bon, on a gagné. Oh, OK, les gens donc, ont quitté. Donc, il y en a qui ont dit, oh, j'ai un cours tantôt, le vote est fait, puis bon, ou un match de hockey. J'ai fait ma job. Oui, il y en a qui ont pensé ça, puis il y en a beaucoup qui ont dit, oh non, il y a d'autres votes, parce que quand on se l'entend que le point n'est pas achevé, on peut faire des propositions. Donc, il y a eu une autre proposition de 3 jours de grève avant celle du 22 mars, et là, ça a été battu à majorité 60-40 à peu près. Okay. Donc, le tiers, deux tiers. OK. OK, donc les gens voulaient pas... Trois jours de grève. Mais finalement, ça a passé pour que ce soit illimité. C'est ça. Là, ensuite, il y a une proposition de grève générale illimitée. Ça veut dire qu'on tombe en grève à l'instant même où le vote est pris. OK. Et on tombe en grève générale illimitée, ça veut dire que c'est pour plusieurs jours, semaines. Oui. Donc, d'ici la fin de la session, à moins qu'il y ait d'autres instances. Peut-être même jusqu'à la fin de la session. Peut-être même jusqu'à la fin de la session. Donc, mais c'est pas ça qui va arriver parce qu'il y a. Vous allez recevoir tantôt Hugo Mayotte Cousseau, le président de la GEQTR. On est déjà à prévoir une autre forme de scrutin pour. Relancer le débat. Dans une semaine et demie environ? Pas la semaine qui commence, l'autre. Donc, après le 22 mars. Donc, Hugo va pouvoir vous en détailler les concepts et ce qui entoure ça. Okay. Changer la façon que ça va procéder? Ça ne sera pas une assemblée générale spéciale? Non, on va faire un vote, tout simplement, un vote papier pour permettre à plus de monde possible de voter encore une fois. Okay. Et là, c'est pour poursuivre la grève. Est-ce que vous voulez qu'on poursuive ou non la grève? Okay. Donc, ça sera pas est-ce que vous voulez la grève? La grève est là. Ouais, la grève a déjà été adoptée. Ou l'arrêter. Okay. Donc, on est en train de planifier ça. Okay. Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et ça sera pas en assemblée générale parce qu'on peut plus réunir 3000 étudiants dans une seule place. L'UQTR ne le permettra plus. Ah, okay. Parce qu'il y a trop de monde. Ouais, trop de monde, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est les codes du bâtiment. Donc ouais, c'est parce qu'il y en rentre du monde, mais c'est 2500 dans une salle et nous étions 2500 moins 4. Oh, hein. Donc, on était à 2496 officiellement sur place. Donc, à 4, on fermait les portes et on expulsait le monde. Okay. Mais ça aurait été... Ça aurait bardé, là, par exemple? Ça aurait bardé et une chance qu'on a su compter comme il faut. On est arrivé à 2496. Okay. Donc, oui. Formidable. Donc, d'ici... Si je te comprends bien, là, d'ici le 22, en fait, il n'y a pas de cours. Non. Parce que là, on a négocié toute la nuit. C'est pour ça que je porte mes lunettes. Je ne vois plus rien. Ça fait bien. J'ai les cernes qui vont parler plus que moi tantôt. On a négocié toute la nuit avec la direction de l'UQTR. Ouais. Et après proposition de notre part, l'UQTR a autorisé une levée de cours aujourd'hui et demain. Donc, ceux qui nous écoutent en direct et en rediffusion, vous n'avez pas de cours ce jeudi et ce vendredi. Ne vous pointez même pas à l'UQTR. Vos professeurs, vos chargés de cours ne vous donneront pas de cours. Ils ont reçu un courriel cette nuit, vos professeurs, chargés de cours. Ils devront obéir parce que c'est une directive de l'UQTR qui leur dit qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui. Donc, ceux qui ont des examens, des travaux à remettre, vous avez congé. Et ensuite, là, on rentre dans la négociation toute la fin de semaine pour savoir ce qui arrive la semaine prochaine. Okay. Parce qu'une grève, ça veut dire que les étudiants ne sont pas tenus d'aller à leur cours, tout simplement. Et là, on rencontre les syndicats des professeurs, des chargés de cours tantôt pour leur demander d'être tolérants envers les étudiants qui ont des travaux à faire, des recherches à remettre ou du tutorat. Tutorat. C'est ça, cette affaire-là. Marcel André est fatigué. Ça va bien. Oui, merci. Mais écoute, donc ça se pourrait que lundi, les professeurs donnent leur cours. Ça se pourrait aussi qu'ils ne donnent pas leur cours. Non, mais c'est ça, mais non, donc ça va jouer en fin de semaine. Il y a une grève. L'AGEQTR appelle tout le monde à respecter la grève qui a été votée démocratiquement par une large proportion. Donc, c'est 25% du membership de l'AGEQTR qui s'est déplacé pour voter. 25%, c'est immense. C'est le quart des étudiants qui ont voté. Donc, notre grève, elle est légitime. Elle a suivi les règlements que nous avions. Un vote totalement démocratique et vérifié par une firme externe. Comptable externe. Oui, c'est eux qui ont fait un comptable agréé qui a supervisé le vote, qui a dépouillé le vote avec d'autres. Donc, tout est légal. Il n'y a aucune fraude là-dedans parce que lui a un code d'éthique à respecter. Ouais, et donc, le vote de grève tient. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine non plus pour les étudiants. Là, il faut rentrer en négociation avec l'UQTR à savoir ce qu'elle va faire. Va-t-elle respecter le vote de grève? OK. Et si elle ne le respecte pas? Il y aura blocage du campus. Okay. Par les étudiants? Ce serait mal vu de se présenter à ces cours pour ceux qui voudraient se présenter. Voilà. On ne veut pas en arriver là, évidemment. On ne veut pas se confronter entre nous. Mm-hmm. Donc, on appelle les étudiants à ne pas respecter. Et là, évidemment, il faut dire, nous, on n'est pas en onde vendredi matin, mais ça tient quand même, donc il n'y a pas de cours. Mais la semaine prochaine, on va vous tenir au courant tous les jours là, de ce qui se passe. Ouais, lundi matin, s'il y a des débouchés, ça sera pas limite par téléphone. Faire un tour à chaque matin ou du moins vous envoyer de l'information ou d'envoyer quelqu'un. Ou par téléphone si. Par téléphone dans mon bureau à côté, je pourrais t'appeler. Ça serait juste bon. un petit péril de secondes, je pense. Ouais. Mais non, je vous promets rien, mais je vais tenter de vous tenir au courant le plus possible. Puis je vais surveiller les comptes Twitter, Facebook de l'AGEQTR et de Attache-Pau Cette nuit, on en a publié 148 messages. Wow! Juste pour que vous soyez sortis au courant. Là, dur à suivre, mais c'est comme ça qu'on s'est tenu au courant. C'est comme ça, voilà. Oh, oui, non. Tant mieux. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vous annonce aussi qu'au Québec, grâce à l'âge UQTR, on vient de franchir le cap du 200 000 étudiants en grève. Grève générale illimitée. Grève générale illimitée. Et donc, le mouvement de grève s'étend partout. On est maintenant 40 % de la population étudiante en grève au Québec, ce qui en fait le plus grand mouvement dans l'histoire du Québec. OK. Faut pas oublier qu'en 2005, c'était le 16 mars qu'on avait atteint le 200 000. Là, on est le 15 mars. Donc, une journée d'avance, on franchit le cap. On a de l'avance. Donc, on a de l'avance. Donc, formidable. Évidemment, en fait, là, il va y avoir des autobus qui vont monter à la grève générale oui, le 22 aussi. On a aussi rempli des dizaines et des dizaines de feuilles de 50 noms chaque. Hier, j'imagine, c'était la place. Donc, on monte le 22 mars, on vous lance l'appel officiel. Venez manifester à Montréal pour la grève nationale étudiante, la manifestation nationale étudiante, pardon, organisée par toutes les associations étudiantes au Québec. Une grande marche dans les rues de Montréal le 22 mars prochain. Vous n'avez pas de cours cette journée-là. On monte des autobus, on vous paye les autobus pour y aller. Donc, venez vous faire entendre. C'est un droit démocratique de se faire entendre, de manifester. Donc, on va le faire dans le respect, dans la bonne humeur et surtout dans l'optique de faire virer de bord le gouvernement. On bloque pas l'autoroute. On bloque pas l'autoroute. Il y aura un itinéraire de préétabli et surtout de détaillé pour la force constabulaire. Donc, il saura où on va tourner. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, on espère être au moins 125 000 dans les rues à Montréal. Le message est passé. Le message est passé. Merci François Landry. Ça m'a fait extrêmement plaisir, messieurs. On te retrouve très bientôt, j'espère. Ben la semaine prochaine. Bien sûr, mais. Ouais, la semaine prochaine. Vous allez me voir. Ouais, ouais, ben on aimerait bien ou, ça. Prenez un bâton puis venez me tortiller le bedon pendant que je dors. Tu dors, François. Sinon, évidemment, François Landry à sa chronique politique Logocratie 101 les jeudis à 8h à partir de la semaine prochaine, 8h30. J'espère aussi, Mathieu. J'espère aussi. Je te garantis rien, mais je vais tout faire pour être présent. Ça va dépendre de mon horaire. Parfait. On te force à rien. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. On prend une pause, on revient avec la chronique de Gabriel, notre stagiaire. Merci. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. This is the last time. Black Alpire et la pièce Waiting, assemblage requis. Et sans plus attendre, Waiting. Mm-hmm. Waiting, hey boy. On parle avec Gabriel, notre chroniqueur invité. C'est notre stagiaire depuis le début de la semaine. On lui a parlé une couple de fois. Salut. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors, oui. Yes, sir. Donc aujourd'hui, c'est ça, tu nous présentes deux pièces. Exactement. Bon, formidable. Mais écoute, ça ressemble à quoi ces pièces-là? Fait que là, la première pièce, c'est Oxmo Puccino, finalement. Oxmo Puccino? Oui. Okay. C'est un vétéran du rap français, comme on peut dire, là. Un des premiers. Alors lui, il s'inspire pas mal de jazz dans ses chansons aussi, là. Fait que ça peut être assez intéressant. OK. Puis il vient au Francophonie de Montréal le 12 juin. Oh ouais. S'il y a des gens qui sont intéressés. Et aussi, il prépare son nouvel album pour septembre 2012. Fait que c'est une pas pire année pour lui. OK, là. Donc ça s'en vient, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Et lui, il vient de France. Ouais. Donc... formidable. C'est du rap, quoi, jazzé? Oui, vraiment jazzé. Comme là, la chanson que j'ai apportée, là, okay. Je la trouve vraiment jazzé. C'est relax. Ça ressemble pas à du rap, mais je l'aime bien. Ça fait matinal, j'imagine. Ça commence bien une journée. Je me dis. Fait que c'est ça, c'est Soleil du Nord. Alors, quand le soleil se lève, ça commence bien. Hey, c'est poétique en plus. C'est ça qui est le fun. De l'assemblage requis. Ça devrait commencer bientôt. Ouais. Ça devrait. Est-ce que ça commence là? À la vie. Ah, c'est ça. Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps, pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 au mètre carré, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown sur des fenêtres. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvage. Au premier rayon on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud, on ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles, rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord, soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère. L'hiver dure 3 saisons. 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot. Les temps durcissent, les copains n'ont plus de clopes. Coincés dans d'horribles jeans, entre l'avenir et nos origines. Au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde. Je passe le conseil. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Killer arm. This one here's for the people. The families living in the ghetto. Babies, right there with you. Puerto Rico. Have you ever seen a grown man cry? Have you ever asked a grown man why? Why do you feel that way inside? Sometimes I had to swallow my pride and settle for less. Lord, don't settle for less. You more like the best to me. As I pull my head out my scully and I give praise due to those who mean something to me. Moms, you incredible. You raised me all by yourself. Regardless of the situation, there was food in the shelf. Pops, you abandoned me. You left me all alone. In this cold war zone, I had a fence with my own. My sister Candy, probably the only one that understands me. Girl, I love you to death. You never turned your back on me. Life, I'm ill, you're sick. I wish I had the hands to heal you quick and rid you of a disease you living with. A young father, I've been blessed with two little girls. Use the jewels more precious than diamonds and pearls. A part of me from a different perspective, and any woman that I'm dealing with is gonna have to respect it. On the outside, there's negativity. Please kill it, cause on the inside, me and my team will make you feel it. Just like every day, struggle. Bubble, running over rocks, sticks and stones, and all that. Hey, yeah, mom, I'm suspended from school. Boy, I'm tired of this. Black woman driving the mothership on the company with your name in corporate. She told me I was handsome. I knew I looked funny with big lips, but that's the love she had for her son, the ninth prince. Forever you exist in my circumference. You left my brain numbness. At night sometimes I cry. Wipe the sooty tears from my eyes and realize life's no job. The corner been a beehive. But mom, ever since you've been gone and nothing changed. Plus I got a new range. I can't complain. The fake cats stay in their lane. This man called Angelica is getting bigger. More figures I gotta spend on print. Princess Corinthia, full of boy pictures. Back when fear was ghetto prisoners, it's all whole hands. It's same for the listeners. I know you're feeling us. It's not that I don't love you for me. It's just that real. You know what I mean? Scratching the hair off my head, thinking about where I'm at, black, trapped in the worst part. I guess so, son, this is up though. The type of the young black man gotta go through every day of his life. No matter where we at, they say we sell crack. Yeah, we do, son, so what do you expect us to do about it? I gotta eat, I ain't trying to start government. I know you loving it, got us like rats and labs. Just watching us fade away, ain't it sad, like a rainy day. So what the president gotta say? I walk the fine line, fight about right and wrong. Misguided at times, dissatisfied, not understanding my youth. The truth I'm going through it. For real, God, I need solutions. Cause it seems like a brother like me can't win for losers. Figured if I put my all into it, then it's all fluid. Let the mother brother see ball, cause I'ma crawl through it. Mama said, take your time, young man, but do it right, I promise to. Even if it take the rest of my life, long as I have breath in my lung. And death is yet to become, I will rap till I'm done. That's it, never submit. And if you have a problem with this, please reveal it. But the truth being deep down inside, I know you feel it. Make you feel it. Ah, d'accord. Ah, que là, c'était Killer Arm. Un groupe associé au Wu-Tang, c'est sûr que c'est un peu vieux, mais bon. C'est toujours school, on aime ça des fois. Ouais, c'est toujours bon, c'est toujours bon. Mais le groupe s'est séparé en 2001, mais là, ils sont revenus ensemble en 2011 et ils ont sorti un album. OK. Puis ils travaillent encore sur un nouvel album. OK. Fait que là, on sait pas si ça va être bon, parce que d'habitude, quand les rappeurs, ils se remettent ensemble puis ils refont des affaires, c'est pas toujours bon, mais on espère. Et 10 ans plus tard aussi, là. Oui, donc ça commence à faire longtemps. Et ça, cette pièce-là, Feel It, ça se retrouvait... Oui. Ça date d'avant, 2001? Ça, non, mais ça date de 2001. Okay. Juste avant que le groupe s'est quand ça s'est séparé, justement. OK. T'es sur leur fin. Sur leur fin. Pas mal. Ouais, donc vous parliez de rap pendant la pièce et moi ça me passait complètement par-dessus la tête. Hailey, c'est... Elle dit, en fait, un rappeur qui vient de Trois-Rivières ici, qui a sorti un album, ça fait pas tellement longtemps. Ouais, je sais pas. On parlait un peu de ça. On parlait du rap en général aussi. Là. En fait, il y a une bonne connaissance musicale. Intéressant, mais tu reviendras nous en parler à un moment donné, Gabriel. Ça me dérange pas. Oui. Avec grand plaisir. Ça me dérange pas. Ouais, n'importe quand tu peux. Donc, Gabriel, notre stagiaire à Assemblage Rookie pour la semaine, on te remercie de ta présence, de ta chronique. Ouais, moi, je vous remercie de m'accueillir comme ça. Ça nous a fait plaisir. Plaisir. Ben oui. On écoute. Vas-y. Ben, attends un peu, il s'en va pas, là. Il est encore avec nous pour le reste de l'émission. Oui. Donc, écoute, ton micro est ouvert. Si, Parfait. Bien sûr. Je vais participer. Est-ce que tu veux participer? Ouais, participer, c'est bon. Il y a participation aussi. Body break, c'est quoi? Des capsules de santé à TV. On écoute David Giguère avec l'excellente pièce La Chose tout de suite. Puis après ça, on parle du grand happening qui a lieu samedi. Ah, c'est fou. Cet assemblage requis jusqu'à 9h. On a aussi la grève à Général Illimité à discuter. Oui! Et Simon fait du bruit! Et quand même, on a des affaires. Je fais un pas devant, je te vois et je m'éteins de tout mon long. C'est sûrement les vapeurs qui me montent à la tête. Qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Belles paroles comme les tiennes, imagine-toi combien de fois par semaine on me les dit, j'ai bien appris. Ma leçon, les garçons, leur savoir, leur manie et leurs belles histoires. J'aimerais bien ça essayer de te croire, mais tu sais pas ce que ça coûte quand j'essaie de le savoir. Chose, voudrais faire un choix. Une chose est sûre, je ferai pas pour toi. Au centre de la chose, voudrais des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé tant pour toi. C'est vrai, je suis pas parfait. Je suis plein de défauts, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penchent en ma faveur. Je suis pas là pour te mener en bateau. T'es compté que j'ai le plus brave de tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à faim, ils font pas juste des beaux dodos. Je suis pas dans un pont de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour, alors je suis là à me demander si t'es pas bon. Une chose est sûre, je ferai pas pour toi. Le centre de la chose, vous donne des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. La Chose de David Giguère sur l'album ICO. On est habitué d'entendre la pièce encore. Là, les point, point, point. Ouais, est bonne. Très bonne, mais on peut pas jouer à tous les jours non plus. Non, c'est ça. Donc, on a changé d'extrait pour le plaisir. Maintenant, un événement qui a lieu samedi, le 17 mars, et qui devrait vous intéresser, hein, parce que ce l'est intéressant. Parlons-en. Oui. C'est le Grand Happening. Et la place est très cool. Oui. Ça se déroule à l'église Sainte-Cécile. Nouvelle salle de spectacle, d'ailleurs, là, qui a vu le jour, ça fait quoi, peut-être l'année passée ou l'an d'avant. Ça fait pas extrêmement longtemps. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Faut que ça commence, c'est ça exactement. Et puis, c'est ça. Bonne occasion donc de se présenter, là, d'apprivoiser cette salle-là. Ça a lieu samedi le 17 mars, donc comme tu disais, à l'église Sainte-Cécile. Artistes et spectateurs sont invités à une soirée où la musique électronique, les percussions, le cirque et les arts de la rue vont être à l'honneur. Le Grand Pony va faire découvrir la musique électro-baroque de Bio Bazar. Vous le connaissez, c'est Danny Janvier qui anime le Dîner de con, ici même assez fou. Sur ses rythmes, plusieurs artistes venant de différentes sphères du monde des arts viendront présenter le fruit de leur réalisation. Ceux-ci qui ont été inspirés par les pièces du nouvel album de Bio Bazar et qui ont voulu en créer des numéros. Passant du cirque à la peinture, de la danse aux marionnettes, les genres seront variés et originaux. Soirée qui est organisée dans le but de faire ressortir les meilleurs moments et les artistes les plus prometteurs afin de monter un spectacle pour une éventuelle tournée en Europe. Des billets sont disponibles sur motifexoticos.com au coût de 17$. Mais nous, ici, à Assemblage Requis, oui. On a à vous donner. Oui! On est fin de même. Ben oui, vous. Faites juste appeler 819-376-5183 pendant la pièce de Bio Bazar, justement. Exactement, qu'on s'en va entendre. On va prendre l'appel numéro 2. Pour le grand happening du samedi 17 mars à l'église Sainte-Cécile. On écoute la pièce Crazy Ride de Bio Bazar et téléphonez-nous encore une fois, c'est le 819-376-5183. Bazar et Crazy Ride à Assemblage Requis. On prend une petite pause, on parle avec le président de la GEQTR, Hugo Maillot de Couture, dans quelques minutes. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 15 mars 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Toujours avec notre stagiaire Gabriel pour la semaine. C'est quoi ton nom de famille, coudonc? Moi, c'est Thériault. Comment? Thériault. Avec deux R. Deux R, trois L. Accent aigu. Pas trois L. C'est varié quand même. Donc, on reçoit Hugo Mayotte-Couture, qui est président de l'AGEQTR et est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. En fait, grosse soirée hier. Effectivement. On ne s'est pas couché ce soir. Ah, c'est ce que je m'allais dire. Petite nuit, cette nuit. Écoute, l'Assemblée générale spéciale hier, grève générale illimitée qui est sortie, est-ce qu'on parle d'une réussite à ce stade-là? D'entrée de jeu, peu importe le résultat de l'Assemblée, c'était une réussite d'emblée, étant donné qu'on a eu un taux record de participation dans l'histoire de la GEQTR. Donc, déjà, ça, c'est une preuve que les étudiants veulent prendre leur avenir en main, mais aussi sont politisés, ils sont pas cyniques. Donc, d'emblée, c'était une réussite. OK. Et puis, qu'est-ce que vous répondez, en fait, aux gens qui disent, bon, ils ont fait ça un mercredi, moi, je travaille, je peux pas y aller, ces trucs-là. Il y aura juste qu'on sera parfaite, là, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, mais, tu sais, évidemment, le vote en ligne a beaucoup fait jaser sur Internet. Mm-hmm. Je sais pas, en fait, la position le jeu par rapport à ça. Au niveau du vote en ligne, c'est assez simple. Nos statuts et règlements nous disent que pour tenir un vote de grève, ce doit être fait en Assemblée générale. Donc, okay. Pour nous, il est impossible de tenir un vote en ligne. OK, donc c'est impossible. OK, formidable. En fait, les gens ne le savent pas nécessairement. C'est ça. Les gens chialent des fois sans être au courant trop. Donc, c'est bien de leur dire des fois. C'est ça. Malheureusement, on a fait tout ce qui était dans notre possible pour faire savoir cette information-là aux gens aussi. Et d'ailleurs, ça a été répété en Assemblée générale hier soir. Donc, c'est sûr qu'il y avait des gens qui n'étaient pas encore informés. Mmh. Et c'est dommage, effectivement. Ouais. Et puis, c'est ça, en fait, là, ce qui est sorti aussi, c'est que, bon, évidemment, un taux record, comme on l'a dit précédemment. Comment ça s'est déroulé, en fait, le vote? Vous étiez quand même bien préparé à plusieurs éventualités. Dans le sens où vous avez passé d'un vote à main levée, si on peut dire ça comme ça, à un vote secret. Oui, c'est sûr que il y a eu le premier vote pour la journée ponctuelle de grève pour le 22. Ça s'est passé à main levée sans problème, étant donné que la majorité était assez forte. Même pas de comptage. 85%. Donc, on a même pas eu besoin de compter. En fait, notre expert comptable qui était sur les lieux a jugé qu'il y avait même pas nécessité de compter. OK. Donc, à ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Ensuite, pour ce qui est du vote de 3 jours qui avait été proposé par la suite, ça s'est très bien déroulé aussi à main levée et les gens ont voté contre. OK. Mais pas de comptage encore, là. Pas de comptage encore. OK. Et quand on est arrivé au vote de grève générale illimitée, c'est là que l'Assemblée était très divisée, en fait. Et malgré les efforts qu'on a faits pour être capable de tenir un comptage, en fait, sans être obligé de passer par un vote papier, notre expert comptable ainsi que les gens qui étaient des scrutateurs, en fait, ont été dans l'impossibilité de déterminer l'issue du vote de façon sûre. Donc, il a été nécessaire de passer un vote papier. On avait prévu des ordinateurs pour vérifier les codes permanents ainsi que s'assurer que les personnes ne votent pas deux fois. Et le vote s'est passé de manière papier avec des isoloirs. OK. Et puis ça, vous étiez préparé à ça? Là. On s'était préparé à l'éventualité. C'est sûr qu'on s'attendait pas à un taux record d'audience de plus de 2000 étudiants. Donc, ça a été assurément plus long que prévu. Cependant, la logistique était là. OK. Et puis donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, pas de cours, demain non plus. Ça, c'est officiel. Ça, il n'y a rien qui change? Effectivement, c'est même l'administration de l'UQTR qui a déclaré cette levée de cours par voie de communiqué de presse cette nuit. Donc, ça, c'est sûr. Vendredi, aujourd'hui et vendredi, en fait, aucun cours va se tenir sur le campus de l'UQTR. Et d'ailleurs, nous, on ne bloquera pas les entrées de l'UQTR. Non, parce qu'il n'y a pas de cours. C'est ça, il n'y a pas de nécessité de bloquer les entrées de l'UQTR en ce moment. Ce qui est moins certain, par exemple, c'est lundi. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine? Ce qui se passe pour la semaine prochaine est encore effectivement incertain. Nous, on va avoir un comité de négociation qui est mis sur pied en ce moment et qui va négocier avec l'administration de l'université à partir de jeudi. Les négociations vont fort probablement s'étirer pendant la fin de semaine, étant donné que tout le monde travaille la fin de semaine dans ce genre de cas-là. Oui, c'est ça. C'est spécial, c'est sporadique, donc c'est effectivement, là, faut que ça effectivement. Si on se dit que notre vice-recteur est rentré travailler cette nuit, on peut bien croire qu'il sera aussi à l'appel en fin de semaine. Et on a entendu dire que la rectrice aussi elle s'est fait réveiller. Effectivement, pour accorder une levée de cours comme on a eu, ça prenait l'autorisation, en fait, l'accord du bureau du rectorat, donc de la rectrice ainsi que de tous les vice-recteurs. Donc, semble-t-il, il y aurait eu une réunion une réunion téléphonique cette nuit. OK, formidable. Et puis, comment vous allez tenir les étudiants au courant, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine? D'entrée de jeu, nous, on va les tenir au courant via notre site web, donc le ageuqtr.org. OK, ça va être mis à jour souvent? Ça va être mis à jour dès qu'on va avoir des nouvelles informations. Okay. Ça se retrouve sur notre site web. Ça va aussi se retrouver en mise à jour sur Facebook ainsi que sur Twitter de l'ageuqtr. Et de plus, pour l'instant, on travaille en collaboration avec l'université. Donc, normalement, ils devraient tenir les étudiants au courant de justement pour ce qui est de la levée des cours pour jeudi-vendredi. OK. Par courriel, j'imagine? En fait, c'est ça. Dès que le système allait être opérationnel ce matin, ils devaient envoyer un courriel. Okay. Je ne sais pas si c'est fait pour l'instant. Cependant, ils nous avaient dit qu'ils allaient le faire le plus vite possible ce matin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des envois qui se font de manière sporadique, je dirais. C'est des envois d'environ 500 emails à la fois. OK. Étant donné que on surchargerait le système informatique. Donc, à ce niveau-là, du moins pour ce qui est des moments où l'UQTR va nous accorder des levées de cours, il semble coopératif justement à passer par le système de courriel. Okay. Ensuite, très bon moyen d'ailleurs. Là. Effectivement, très bon moyen. Puis pour ce qui est de la suite des choses, ben là, c'est sûr qu'il va falloir surveiller le site web de la GEUQTR. Ça va être la source la plus fiable des informations à ce propos-là. AGEUQTR.org. Ça, en fait, là, allez voir ça. Surtout peut-être dimanche. Pour savoir si on a des cours lundi ou pas. Effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que, étant donné que les étudiants ont voté une grève générale illimitée, peu importe s'il y a une levée de cours ou non, il n'y aura pas de cours lundi. Là. Non, mais c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants vont faire du piquetage. Si l'UQTR n'accorde pas de levée de cours pour la semaine prochaine, les étudiants vont être au rendez-vous et vont empêcher les gens de rentrer dans l'UQTR. Là, okay. Ça, c'est sûr. Mais exemple, j'ai un examen lundi prochain. Il y a une ligne de piquetage. Écoute, j'ai pas le goût de la franchir parce que t'es plus grand que moi. Puis est-ce que je peux être pénalisé par mon examen? Ce qu'il faut se dire, c'est que les profs non plus n'ont pas envie de franchir une ligne de piquetage. Et c'est d'ailleurs dans les directives qu'ils ont reçues de leur syndicat. Là, dans le sens que on franchit pas une ligne de piquetage. C'est sûr que ce qu'il y a dans les lettres au syndicat, c'est en parlant de leur sécurité. Dans le fond, si leur sécurité est menacée... Est en jeu ou... Mais tu sais, on sait qu'on parle de ligne de piquetage. Donc les profs ne devraient pas franchir les lignes de piquetage d'un côté, d'une part en fait. Mais j'ai confiance aussi que ce n'est pas dans l'intérêt de l'UQTR non plus de voir la moitié de la population de l'UQTR échouer un examen en raison d'une ambiguïté comme une grève, comme savoir si oui ou non il y aura un cours. Donc, à ce niveau-là, je ne pense pas que l'administration de l'UQTR va avoir vraiment le choix au niveau des examens et des évaluations là, parce qu'on parle d'une situation extraordinaire. Oui, ouais, c'est ça, exactement. OK, formidable. Et puis, est-ce que le syndicat des professeurs a pris position? Non? Le syndicat des professeurs et des chargés de cours n'ont pas pris position face à la grève. OK. Cependant, ces deux syndicats ont pris position face à la hausse des droits de scolarité et ont signifié leur appui au mouvement étudiant. OK. Ainsi que contre la hausse des frais de scolarité. Okay. Là. Donc, devraient respecter la grève, en théorie. C'est sûr que c'est des gens qui sont des salariés de l'UQTR. Donc, leur patron... ça reste quand même l'administration de l'UQTR. À ce niveau-là, ils peuvent pas dire à leurs membres de ne pas se présenter pour donner leur cours. Ça, c'est sûr. Mais ils peuvent donner comme directive, ne franchissez pas les lignes de grève. Ben c'est ça. C'est la directive qui a été donnée, c'est de pas franchir les lignes de grève si la sécurité est en jeu. OK. OK. Formidable. Mais hey, merci beaucoup, Hugo Meilleur Couture, président de l'AGEUQTR. Écoute, je sais que c'est une journée des plus chargées pour toi et pour ton équipe. Donc merci de prendre le temps pour nous. Ouais, c'est ça, c'est très apprécié. Mais ça nous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être ici ce matin. Puis écoute, on s'est au courant pour la semaine prochaine. J'aimerais ça être au courant de ça. Nous, on n'est pas non vendredi. On en parle aujourd'hui. Mais à partir de lundi, on va vous tenir au courant aux demi-heures. Ah, c'est fou. C'est parfait. De toute façon, c'est pas comme si mon bureau était loin. Ça me ferait plaisir de me déplacer pour revenir vous voir. Génial. Hugo, merci beaucoup. Maël Couture, président de la GEQTR, merci beaucoup. On écoute Winter Myths avec Le Paradis. Et après ça, on revient avec Simon Fitzbé. Sa chronique est phénomène. Il nous parle d'un chanteur engagé des années 60. C'est Phil Ox. Restez là. All right, this is WQRX. That was a new hit, but really? Non, c'est fou, et on revient après la pause avec Phénomène et Simon Fitzgerald. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Doc, on est à Assemblage requis, tout le monde sait ça. Hein? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis. Et vous aimez ça. C'est quoi le nom de l'émission déjà? Attends. C'est juste le bout de la langue. Là. Assemblage requis par la voix de la jolie voix de la fille qui fait vos. Une chance qu'on a ça, hein, parce que Danny, t'es bien fin, bien viril et tout, mais. Mike, on a de ses charmes. Non, on est rendu à Simon Fitzbé. Voici sa chronique Phénomène. Moi, trop fatigué pour faire de la thérémine à ma fin. Effectivement. Il fait sa chanson avec ses mains, les petits. C'est une première. Je ne bouge pas ce matin. Désolé, les amis. On te pardonne. C'est ça. Ouais. Ça arrive. Hein? Je pense que c'est le cas pour bien des gens aujourd'hui. Simon Fitzbé, en ce lendemain de grève générale illimitée déclarée à l'Assemblée générale spéciale de l'Association des générales des étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Ouais. Et bon. Trop de là-dedans. Donc, la GGI de l'AGS de l'AGE-UQTR. De l'AGS de l'AGE-UQTR, effectivement. Ouais. TR. TR. TR, respect, represent, power. comme Whitney Houston, pis l'autre. C'est qui respecte déjà? Aretha Franklin. Ouais. R-E-S-P-C-T-F-A. Non, aujourd'hui, on parle d'un chanteur engagé des années 60, Phil Oakes. Phil Oakes. Oui. Non, mais j'ai dit Oakes tellement longtemps, moi aussi, avant de savoir que c'était Phil Oakes. Okay. D'ailleurs, merci, J.C. Louvain. Après ça. Lausanne. Ouais. Pas personnellement, mais via les airs artiennes, d'ailleurs. Ah oui, la radio. Oui, la radio. Ouais. D'accord. Oui, donc, messieurs, cette semaine, j'ai décidé de m'imprégner de l'effervescence que représente le mouvement de contestation contre la hausse des droits de scolarité et la grève générale illimitée, justement, qui a été déclenchée hier, pour vous présenter un des plus grands chanteurs contestataires de l'histoire. Un homme qui a su se tenir debout et qui a même mangé des coups pour ses convictions. Cette semaine, donc, je vous présente un homme qui ferait plutôt rougir Bob Dylan, un homme qui a consacré sa carrière à la rébellion et la résistance passive, un chanteur qui s'est inspiré de l'actualité afin de créer un répertoire à la fois riche et varié de protest songs, comme on dit en bon français, qui sont encore aujourd'hui d'actualité, ainsi qu'un marqueur des luttes passées. Cette semaine, donc, je vous présente le gars qui s'est fait jeter en dehors de la limousine de Bob Dylan parce qu'il était trop engagé, Phil Oakes. C'est la première partie, puisque ça va être séparé en deux dans les deux prochaines semaines, puisque c'est un personnage tellement intéressant. Donc, Phil Oakes est né en 1940. Il est le fils de Jacob Oakes, médecin new-yorkais, et de Gertrude Finn, une écossaise d'origine. Il est le deuxième fils d'une famille de trois enfants, et sa famille était juive non pratiquante. Oakes était fait plutôt ses premières armes en musique alors qu'il était adolescent et il était donc il apprenait plutôt la clarinette. Son talent est tel qu'il devient premier soliste de l'orchestre du Conservatoire de musique de l'Ohio. Et il était dans l'état plutôt dans lequel il fut élevé, bien sûr. Il n'avait pas encore 16 ans lorsqu'il a eu son poste de premier clarinettiste de l'orchestre conservatoire de l'Université de l'Ohio. Oakes était immergé dans la musique classique au sein d'une famille assez conservatrice, mais par contre, il découvre quand même la culture populaire en écoutant Elvis Presley, Johnny Cash et Buddy Holly, entre autres, à la radio. Il s'inscrit dans un collège militaire de Virginie en 1956 et revient en Ohio en 1958 pour s'inscrire à l'université une session pour ensuite s'exiler en Floride. Donc, il a beaucoup voyagé pendant cette période et c'est là qu'il a un flash, en fait. Il aime écrire. Il décide donc de devenir écrivain et revient à l'université pour s'inscrire en journalisme cette fois-ci. Et c'est lors de ce retour qu'il rencontre Jim Glover, un étudiant amateur de musique folk avec des idées de gauche. C'est Glover qui va faire découvrir à Phil Oakes la musique folk et des artistes tels que Pete Seeger, Woody Guthrie ainsi qu'également que The Weavers. Oakes était un étudiant plutôt centriste, n'ayant pas de conscience sociale très aiguisée. Il se radicalise en côtoyant Jim Glover. Il développe d'ailleurs une quasi-obsession pour la révolution cubaine de 1959. C'était en pleine la période dans laquelle il était. Et il écrit pour le journal du campus et apprend à jouer de la guitare également en même temps. Il forme un duo avec Jim Glover et lui-même, bien sûr, qui s'appelait The Singing Socialist, mais qui ne dure que quelques temps. Ils n'ont pas eu le temps de faire de concert, en fait. Ils ont écrit des paroles, simplement. C'est entre 1960 et 1961 que Phil Oakes fait ses premières apparitions sur scène à Cleveland, en première partie d'artistes comme les Smothers Brothers. Il chante également ses propres chansons et commence à se faire un nom avec ses chansons très engagées. Il poursuit également ses études à l'université jusqu'à la dernière année de formation, mais il est déçu de ne pas avoir obtenu le poste de rédacteur en chef du journal à l'université et décide donc de quitter l'institution pour aller s'installer dans le Greenwich Village à New York, où en 1962, Jim Glover était allé s'installer également quelques temps avant. Oakes, donc, devient une figure de proue de la scène folk, oui, de Greenwich Village, assez rapidement, et devient également un chanteur passionné qui ne mâche pas ses mots. Il se décrivait lui-même comme étant un journaliste chantant, puisqu'il s'inspirait d'articles de Newsweek afin d'écrire ses chansons. L'année suivante, en 1963, il est invité au prestigieux Newport Folk Festival, un festival folk très huppé de la Nouvelle-Angleterre. Il se retrouve sur la même affiche que Peter, Paul and Mary, Joan Baez. Également, il y avait Tom Paxton, ainsi qu'un jeune homme prometteur, un certain Bob Dylan. Come on and take a walk with me through this green and growing land. Walk through the meadows and the mountains and the sand. Walk through the valleys and the rivers and the plains. Walk through the sun and walk through the rain. Here is a land full of power and glory, beauty that words cannot recall. For her power shall rest on the strength of her freedom. Glory shall rest on us all. From Colorado, Kansas, and the Carolinas too, Virginia and Alaska, from the old into the new, Texas and Ohio and the California shore, tell me who could ask for more. For here's a land full of power and glory, beauty that words cannot recall. For her power shall rest on the strength of her freedom, glory shall rest on us all. Yet she's only as rich as the poorest of the poor, only as free as a padlocked prison door, only as strong as our love for this land, only as tall as we stand. For here's a land full of power and glory, beauty that words cannot recall. For her power shall rest on the strength of her freedom, glory shall rest on us all. Come on and take a walk with me through this green and growing land. Walk through the meadows and the mountains and the sand. Walk through the valleys and the rivers and the plains. Walk through the sun and walk through the rain. Here is a land full of power and glory, beauty that words cannot recall. For her power shall rest on the strength of her freedom. Glory shall rest on us all. Phil Oakes avec sa pièce Power and the Glory, donc tirée du Newport Festival, donc cette première apparition qu'il a fait en 1963. Chanson hommage à Woody Guthrie. Chanteur d'ailleurs que je devrais peut-être couvrir dans les prochaines semaines, qui était un chanteur engagé extrêmement important également, qui a influencé beaucoup à la fois Phil Oakes, duquel on parle aujourd'hui, et Bob Dylan aussi, qui au début de sa carrière était très engagé. T'en parleras si t'as le goût, Tree. En passant, c'est moi qui allais boire de l'eau pendant la pause parce qu'il avait la gorge Roux. Hein? Mm-hmm. Ça n'a pas vraiment marché hors onde. En onde, c'est moyen. Encore moins. Ouais. Bien sûr, le tout, gracieuseté de l'assemblage requis. Nulle part ailleurs. Hein? C'est Phénomène qui vous présente Phil Oakes, ce grand chanteur engagé. Et donc, lorsqu'on est parti pour écouter la pièce Power and the Glory, Phil Oakes faisait sa première présentation, première prestation au Newport Folk Festival en 1963. Et il se démarque, entre autres, en étant un chanteur original qui n'utilise pas de métaphore ou de fla-fla dans ses chansons, comme peut le faire Bob Dylan. Il chante à propos de sujets, oui, qui lui tient à cœur, et tels que l'inégalité sociale, entre autres, et les droits civiques. Malgré cette différence, rendant très rafraîchissant, il n'arrive pas à se démarquer à l'extérieur de la petite communauté folk élitiste de la Nouvelle-Angleterre, qui fume des pipes et qui sont habillés en costume cravate. Voyez-vous, c'est qu'à cette époque, tout le monde en avait pour Bob Dylan. Il faisait des ravages dans le monde du folk, mais surtout, il a réussi à percer dans le monde de la pop et du rock, ce qui a malheureusement nuit à la carrière prometteuse qu'avait Phil Oakes. Oakes fait quand même son bout de chemin malgré la domination de Bob Dylan. Il est un chanteur, bien sûr, qui l'admire et au point de pratiquement lui vouer un culte, oui. Il voulait vraiment collaborer avec Bob Dylan, qui s'éloignait de plus en plus de la scène folk, justement, jusqu'en 1965, où au Newport Folk Festival, il avait sorti la guitare électrique, il avait créé un scandale, c'est vraiment génial. Mais Phil Oakes, lui, l'admirait justement pour avoir sorti sa guitare électrique, avoir osé le faire. Bref, il voulait collaborer avec Bob Dylan, qui était de plus en plus une superstar de la pop. Et d'ailleurs, après avoir critiqué l'écriture d'une certaine chanson de Bob Dylan, chanson dont j'ignore le titre, eh bien, il s'est fait jeter en dehors de la limousine de Bob Dylan, qui l'a traité de simple journaliste chantant. C'est un affront qui a profondément désabusé Oaks. Mais il faisait du folk, en tout cas. Oui, il faisait du folk, effectivement. Malgré tout, il est encore un grand amateur de Zimmerman, mais c'est quelqu'un qui avait du mal à prendre la critique, Phil Oakes, okay. De se faire dire ça par un de ses idoles et de se faire pratiquement, je dirais pas violenter, mais... Tu te fais sortir de la limousine. Oui, tu te fais sortir, à ce qu'on dit, à coup de pied, en plus, là, de la limousine. Dans le derrière. Coup de pied dans le derrière, et c'est quelque chose qui va traîner toute sa vie, ce genre de regret de ne pas être plus proche de Bob Dylan. Et c'est ça, ça a mis un terme à leur relation? Quelque peu, parce que dans les médias, Bob Dylan était toujours sympathique à Phil Oakes aussi. Tu sais, il disait qu'il aimait ce qu'il écrivait et tout, mais dans la vie privée, ça sent plus. Ils se connaissaient depuis longtemps quand même, depuis que Oakes est arrivé dans Greenwich Village. C'est là que Bob Dylan également restait et faisait des shows. Donc ça faisait un bout qu'ils se connaissaient déjà. Et d'ailleurs, Phil Oakes lance son premier album, The News That's Fit to Sing, bien sûr, un titre évocateur et le camp de sa carrière. C'est en 1964, ainsi qu'un second en 1965, album qui s'appelle I Ain't Marching Anymore, un album chargé de chansons antimilitaristes dénonçant l'effort de guerre au Vietnam, un thème qui était récurrent dans ses chansons et qui marquera la plus grande partie de sa carrière. Screaming the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't marching anymore. I ain't marching anymore. Phil Oakes avec la pièce I Ain't Marching Anymore, qui a été son plus grand succès à vie. Bien sûr, pour dénoncer la guerre du Vietnam, c'est un peu l'histoire d'un soldat justement qui a fait à peu près toutes les guerres et qui maintenant décide de ne plus y aller à la guerre. Mmh. Bien sûr, c'est dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage requis. Bien sûr, Mathieu Plante, François-Olivier Marchand. Simon Fitzbé. Oui, et monsieur ici... que Gabriel Thériault. Gabriel Thériault, voilà. Ouais, j'avais pas été présenté. Salut. Hey, c'est vrai, on est pas polis. On est gentils. Il y a deux T, deux R. Oui, un R, un E. Pas d'accent. Fait que, impressionné match? Complexe, complexe. Très, très, très impressionné. Mais bref. Ouais. Retournons à notre sujet. Oui. Donc, parallèlement à sa carrière de chanteur, Phil Oakes se démarque également pour son implication dans de nombreuses causes sociales ainsi que dans les mouvements de droits civiques, entre autres pour l'égalité des Noirs et des Blancs, ainsi que contre la guerre du Vietnam. Il fait partie de toutes les marches et manifestations et profite de son talent et de sa notoriété ainsi que sa capacité à écrire rapidement de nouvelles chansons afin de donner une voix à ces causes qui lui tenaient à cœur. Et on va voir un peu la semaine prochaine, entre autres, la fin de sa carrière, mais également un peu plus de cette implication très, très intéressante de Phil Oakes, entre autres à la Convention démocrate de 1968, où il s'est fait matraquer par la police. Ces démonstrations de paix également qu'il y a eu partout dans les années 60. En fait, il voulait faire arrêter la guerre par la paix. Un peu comme John Lennon l'a fait, mais avant le temps. Là. C'est très intéressant. Il était tellement impliqué dans ces causes-là, entre autres, et on va le voir un peu à quel point ça pouvait l'affecter. C'est lorsque John F. Kennedy, un président, bien sûr, que Oakes aimait critiquer, mais qui l'aimait vraiment beaucoup aussi. Lorsqu'il s'est fait assassiner, il a confié à sa femme qu'il était certain qu'il allait mourir de la même façon lui aussi. Il était très, très sérieux. Donc, ça démontrait peut-être un début de petit problème qui allait éventuellement l'affecter. C'est quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine avec le restant de sa carrière également. Et sur ce très talentueux qui est très talentueuse personne qui est Phil Oakes. Voilà. Oui, donc une talentueuse. Talentueuse personne. Phil Oakes. Faut oser les Phil Oakes. Donc, Simon Fitzbé, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci, messieurs. Évidemment, on te retrouve les lundis soirs à l'émission Catalepsie. Ça commence à 20h, l'émission musicale thématique. Mm-hmm. Ça repasse les mercredis à 13h et les samedis à 18h. Et t'animes album classique les vendredis matin à 10h. Effectivement. Et d'ailleurs, nous allons terminer nous allons écouter le second disque de ton premier album de Chicago, le Chicago Transit Authority. Dont nous avons écouté le début la semaine dernière, mais là, ça va être le deuxième disque. C'est cet album double. À 10h, et ça repasse aussi les dimanches à 16h et les mardis à 17h. Voilà. Exactement. Ah oui, j'oubliais. Hey, ta chronique, les éphémérides du rock, dans l'émission Rocks Classique. Rocks. J'attendais de la faire. Rock Classique avec Alain Lefebvre, vendredi matin à 11h. Oui, effectivement. Effectivement. J'aimerais justement vous rappeler aux gens, c'est François-Olivier, entre autres, qui me faisait penser à ça. Il y a bien sûr le colloque des étudiants en histoire qui va avoir lieu, c'est le 23, n'est-ce pas, le 23... 23 mars prochain. Vendredi de la semaine qui s'en vient. Exactement. Et j'ai oublié par contre l'endroit où... C'est au CIPP. Au Centre intégré de pâte et papier. Ah, oui, exactement. Ah, c'est intéressant. Parce que les dernières fois, on l'avait fait dans le... C'est-à-dire dans le grand auditorium de médecine. OK. Mais ils ont le pavillon à eux autres tout seul. Oh, ben oui, certainement, effectivement. Est-ce que tu vas tenir une conférence? Non, pas cette année. Non? J'en ai fait dans les deux premières années. Okay. Mais là, comme on a raccourci la durée du colloque, mais on laisse plus de place aux étudiants, je pense que c'est quelque chose de bien aussi. De toute façon, nous, en études québécoises, on a aussi nos colloques. On pourra faire nos présentations, ce sera le temps. Bon, salut au local 1102 du CIPP. C'est de 10h à 17h le vendredi 23 mars, juste pour donner les heures. Ouais, venant en grand nombre, c'est toujours très, très intéressant également. Oh, ouais, ça vaut Michel Deschênes qui va être présent d'ailleurs. Ah oui? Michel Deschênes, oui, qui anime ici, c'est fou. Des heures pour écouter les dimanches à 17h. Ah, génial, génial. J'aimerais aussi souligner, d'ailleurs, on a une activité, moi je suis membre de la Société d'histoire du Cap-la-Madeleine. OK. Et on a une activité qui a lieu ce soir. 15 mars, c'est à 19h au Centre culturel Pauline Julien. C'est en fait une présentation, une conférence publique de M. Jacques Mathieu, historien et professeur émérite de l'Université Laval, et Gilles Barbeau, professeur émérite de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, donc deux disciplines complètement différentes. Oui, exact. Ils vont venir nous parler de l'ANEDA, en fait. C'est-à-dire, cette conférence-là s'appelle l'ANEDA et le sapin baumier. Okay. C'est qu'on a longtemps cru que l'ANEDA, décrit dans les carnets de quartier, était les pinettes blanches, mais dernièrement, le cèdre blanc, pardon. Et dernièrement, en fait, Jacques Mathieu, c'est poser la question avec M. Barbeau, à savoir si c'est vraiment ça que, dans le fond, les je dirais pas les premiers colons, c'est pas vrai, mais les premiers explorateurs du Saint-Laurent ont utilisé pour combattre le scorbut. Non, on a découvert en fait que c'est le sapin baumier. C'était le seul sapin qui poussait, entre autres, dans la région de Trois-Rivières, sur l'île Saint-Quentin, lorsqu'ils sont débarqués. Également, c'est celui qui fournissait donc le plus de nutriments là, pour combattre le scorbut. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il faisait une passion? Je crois que c'était une infusion, en fait, de sapin baumier. OK. Mais en fait, si vous voulez le savoir, mais vous présentez donc le 15 mars. Ben, 15 mars, c'est aujourd'hui, à 19h. Au Centre culturel Pauline Julien, c'est au 150 rue Fusée, secteur 4 de la Madeleine à Trois-Rivières. C'est gratuit. Donc, c'est une belle salle. Beau petit coin. Oui, effectivement. On va être bien. On va être bien et on est très accueillants. Ouais. Sapin baumier, c'est ça, Sapineau, non? C'est pas ça? Non, je pense à un autre truc. Du pain de quelque chose. Non, ça, c'est pas noisetier. Non, c'est un autre. Tout mêlé. Ouais. Ça, Marcel Leboeuf, il me confuse. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. Merci, Simon, pour tout ça. Merci beaucoup. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Jeudi, c'est à 8h. Effectivement, ouais. Normalement, à 8h, quand il n'y a pas de vote de JGI, il finit avec 8h30. C'est ça, là. Peut-être que la semaine prochaine, on va être encore un peu... On va être encore en grève, en fait. Ça va être la grosse manifestation du 22 mars. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Je pensais pas. Je vais être là quand même avec vous, les gars. Yeah! Yes. On écoute le Galaxy avec Requin Tigre et on revient pour remballer la semaine dans les boîtes. Your charge on me. I miss the way you used to love me. Ariane Moffat avec la pièce Too Late, ça me fait extrêmement penser à du métrique. Oui. Ouais, c'est bon, j'aime ça. On aime ça. Ouais. On aime ça. Il nous reste encore une dizaine de minutes à l'assemblage requis. Crime, on a fait tellement de choses aujourd'hui. On rappelle évidemment qu'il y a eu vote pour la grève générale illimitée hier soir au CAPS Léopold Gagnon. Simon Fitzbé qui est toujours avec nous et qui était présent sur place hier, comme un reporter multitalentueux et polyglotte. Et oui, en plus, j'avais une place de choix. J'étais en haut sur la piste de course. Je m'occupais de justement faire les... Ben, je vais augmenter mon titre. Je faisais la relation média. Je voudrais le chemin pour que les photographes et caméramans puissent aller prendre leurs images. Parce que on n'avait pas fermé la piste de course, donc il fallait... Ouais, mais c'est ça, on voyait des gens courir. Hein? Sur les photos, on a vu ça, je me dis, qui est en train de courir en ce moment? Tu devrais être en bas, ça? Ben, il y a beaucoup. Ben, il y a des non-étudiants là-dedans aussi. Il y a des non-étudiants. Il y a des étudiants qui voulaient tout simplement juste pas descendre parce que s'il y avait trop de monde, en fait. Il devait faire chaud, hein? En haut, en tout cas, on faisait chaud. J'imagine qu'en bas, il faisait encore plus chaud. Parce que, bon, on veut pas, ça sue et ça, ça reçut. Et c'est assez clos comme endroit. Là. Oh, la réaction. Ben, la réaction était pas pire, pareil. Il y a une bonne job là-dessus. En fait, la capacité, c'est 2500. On s'est rendu à 2494 personnes. Donc, c'est 6 personnes de la limite. 6 personnes, ouais. On a eu l'air de 6 personnes de plus, dans le fond. C'était pas super. J'ai aimé le commentaire de quelqu'un au Patriote sur Facebook qui disait « J'espère que les gens ont essuyé leur pied avant l'entrée parce qu'on vient de cirer le plancher. » Ça, c'est Cédric. Ils ont passé la Jumboni. Ouais, c'est un mix entre un Jumboni et un Zamboni. Il aurait peut-être pas dû le faire parce que, je peux dire que... Ben, non, mais les gens étaient quand même propres. Je veux dire, quand je suis parti après le vote de grève et c'était quand même les gens s'étaient ramassés là, il restait juste les chaises, ça aurait pu être plus cochon ça. Et puis la fin ça s'est fait d'une façon civilisée Bon, il y a eu c'est sûr des cris de joie, des gens qui ont pleuré, j'ai vu un titre, il y a quelqu'un qui a adopté un panda, c'était assez incroyable. C'est-à-dire au point qu'il y avait de la folie dans l'air. Mais des deux bords, là, j'imagine ceux qui étaient... Ben, les gens qui étaient contre la grève, c'est sûr, devaient être un peu plus... La mine un peu plus basse. Un peu plus frustrés. C'est normal, on comprend ça. On voulait pas, dans le fond, leur rire dans la face non plus. J'espère qu'on va pris ça comme ça. C'est juste qu'on s'attendait pas du tout à ce que ça se passe à l'UQTR, premièrement. Ça s'est jamais fait. Mais il y a eu des célébrations, mais après ça, les gens ont quitté vraiment dans le calme. Il y avait beaucoup de gens déjà qui avaient quitté après le vote, soit qui allaient se coucher parce qu'il y avait des examens le lendemain ou qui étaient fatigués. Qui pensaient avoir des examens qui pensaient avoir des examens. Il y a des gens aussi qui sont venus ici à Chasse-Galerie et c'est leur droit. D'ailleurs, ils font fonctionner l'économie, c'est tant mieux. On ne voit que des verres rouges en ce moment. Oui, effectivement. Verres rouges pour souligner justement la position de la GA et des étudiants. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'animosité. J'ai même pas. J'ai entendu parler qu'il y a des gens peut-être qui auraient été invectivés par d'autres, des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu ça d'où j'étais en haut. Sûrement que ça a dû se passer. Ça a dû se passer peut-être à l'extérieur aussi du CAPS, il faut dire. Je pense que les gens ont été très, très respectueux. Peut-être à part 2-3 personnes qui ont été vraiment peut-être un petit peu trop agressives au micro, autant d'un côté que de l'autre. Personne n'en est venu au coup. Là. Non, personne n'en est venu au coup. Et c'est ça que j'ai eu peur, parce qu'à un moment donné, ils ont fait un vote croisé. Je ne sais pas si vous avez expliqué tous les... Pas ces petits détails-là. Ils ont séparé la salle, oui. Le premier vote de grève générale illimitée a été à main levée. Moi, j'étais en haut, j'étais avec le responsable de la sécurité, M. Montembeau, et c'était impossible de savoir qui gagnait dans les deux camps, parce que c'était vraiment serré. On parle de 48 voix de différence. Ouais, c'est ça exactement. 18 abstentions. Il y avait 330 personnes de plus lors des votes à main levée. Donc, ça vous donne une idée là, de la vue qu'on avait d'en haut. Après ça a été un vote assis debout, c'est-à-dire on faisait assire tout le monde à terre et ceux qui étaient contre se levaient, ceux qui étaient pour. Après ça, une fois que tout le monde était assis, les gens se relevaient. Ça fonctionnait pas non plus. Ça fonctionnait pas parce qu'il y avait encore trop de monde. La salle était pas divisée, c'est-à-dire il y avait pas de séparation pour pouvoir compter les gens dans des carrés si on veut. Avait pas été t'as pas de référence à... Il y avait pas aucune référence dans le fond pour compter et encore en haut ça avait l'air moitié-moitié. Et là, on a décidé de séparer la salle en deux. Encore là, je peux vous dire, parce que les deux partaient pas nécessairement à la même place, c'était pas étendu autant, qu'on pouvait pas se prononcer là-dessus non plus. Les scrutateurs en bas, même chose. Après ça, on a décidé de ramasser les cartons rouges avec lesquels on vote. Et là, il y avait des gens qui avaient pas de cartons rouges. Il y en a qui les avaient jetés, il y en a qui les avaient déchirés. Donc les cartons de vote étaient rouges? Oui, cartes... Ben, pas le blanc neutre? Non, non, mais c'est comme toutes les assemblées, ouais. C'est sûr. Il y a eu c'est déjà, dans les années précédentes, il y a eu des cartons verts aussi. Là. Ça a vraiment pas rapport. C'est simplement parce que c'est la couleur qui a été utilisée. Depuis, je faisais mon outré de voir. Non, non, mais je comprends. Puis il y a des gens qui se sont plaints. Il y a des gens qui demandaient à avoir des cartons verts, mais c'est vraiment pas partisan. Ouais. Du tout avec la cause. Mais c'est vrai que c'est peut-être un carton orange, ça serait quelque chose d'intéressant. Les verts à la Chasse-Galerie, est-ce que ça fait jaser ou... En fait, depuis hier, je pense que c'est... Parce que les gens n'ont pas le choix d'acheter un verre de non couleur que rouge en ce moment. Si tu prends un petit café, c'est que rouge ou mange blanc. Les moyens et les grands sont bruns, par exemple. Ah oui? Oh, oui, vous pouvez utiliser, vous pouvez avoir des verres... Fait que c'est pour encourager à acheter un plus grand format. Là, je fais vraiment mon outré. Mais quand même, et après ça, donc après la séparation de la salle en deux, eh bien là, il y a eu ramassage de cartons et là, on s'est rendu compte que les cartons étaient déchirés et tout. Et on a décidé de caler le vote secret par la suite. Donc, c'est une décision de la présidente de l'Assemblée. Oui, quatrième. Wow. Mais c'était la seule façon de le faire, honnêtement. Ça s'est déroulé dans l'ordre. C'est quand même spectaculaire parce que je pense que. Ben, écoute, le vote. Tosse-toi à gauche, lève-toi, assis-toi. Tu vois que ça fonctionne pas. Les gens sont quand même restés. Je veux dire, on a perdu 300 personnes, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Là. C'est... Oh, ouais, c'est 300 personnes qui auraient dû rester là. Ouais, ouais, exactement. Ça aurait pu faire changer totalement le. Tant qu'à venir, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il fallait jouer au bout. C'est ça. Et d'ailleurs, donc, il y a eu. Le vote a été extrêmement long. On parle de 2h30. De personnes qui votent. Et d'ailleurs, moi, j'ai attendu vraiment la toute fin. J'ai eu le temps d'aller prendre un verre et de revenir. Pas à Chasse-Galerie? Non, je fais pas à Chasse-Galerie, par contre, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Et, OK. Mais ouais, j'ai eu le temps de sortir donc, du campus et de revenir amplement. T'es pas? Ah, ouais? Ouais. Et donc, c'est ça, j'étais avec un autre animateur de C'est fou, d'ailleurs. Donc, OK. Donc, c'est qui? On pourrait saluer? Avec Maxime Tanguy. Okay. Et qui d'ailleurs m'a dit qu'il m'écouterait ce matin en n'étant pas couché à 3h30. Genre. Cool. Ah, mais tu sais, des fois. Hein? Ah, ouais, je sais. Ce qu'il se dit à ce heure-là. Effectivement. Je dirais qu'on l'écoute nous aussi. Ah, parfait. Et le comptage des votes, d'ailleurs, s'est fait extrêmement rapidement parce qu'on a commencé à compter avant que le vote soit fini. Procédure qui veut pas normale parce qu'il y avait tellement de gens qui votaient. Et la dernière boîte a pris à peu près 15 minutes, là, question de constater le tout, et ça a été déclaré. Quelque chose qu'on s'attendait pas du tout. Mais ça, tu dis, on s'attendait pas du tout. Toi, tu prédisais que ça allait pas passer. Certain... Moi, j'étais vraiment mitigé. Ouais. Et lorsque je voyais les gens voter pour contre, j'avais aucune opinion de fait. Et vers la fin, je me mettais dans l'idée que c'était les comptes qui remportaient pour ne pas être trop satisfait. Non, pas satisfait, mais c'est-à-dire pas trop être déçu si c'est vrai. Finalement, ça a été le contraire et j'étais très content. Moi, ça m'a surpris. Moi, la réponse des étudiants m'a vraiment surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait une grève le 22, ça, évidemment. Mm-hmm. Oh, oui, ça passait sans problème. Quand j'ai su que les 3 jours n'avaient pas passé, je me dis ça y est, c'est fini. J'ai pensé ça, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui auraient voté pour un 3 jours de grève auraient peut-être pas pu voter pour une grève générale illimitée par après. C'est-à-dire qu'il y aurait eu l'argument comme quoi que les étudiants auraient été techniquement en une semaine de grève. Ça aurait été de lundi prochain à jeudi prochain. Donc, ça aurait fait 4 jours et il aurait dit, bon, mais c'est pratiquement comme une semaine de grève, donc pas besoin de GGI. Ou également, la présidence aurait pu refuser une grève générale illimitée ou si elle donnait une grève de 3 jours en disant que, bon, ben les 3 jours sont faits, puis si vous voulez une grève générale illimitée, revenez dans une semaine pour refaire le vote. Donc, c'est peut-être dans cette optique-là qu'il y a des gens qui n'ont pas voté pour la grève de 3 jours, mais il faut dire que le vote a été fait extrêmement rapidement, main levée. Là encore, c'était quand même serré, mais... 60-40 qu'on parle à peu près? Ouais, mais là, les distingués quand même. Les scrutateurs ont fait leur job et eux autres ont dit que ça n'a pas passé pour 3 jours. Donc, c'était leur job et ça n'a pas passé, effectivement. Voilà. Donc, on va rappeler une dernière fois ce qui a lieu aujourd'hui, jeudi et demain, vendredi. Pas de cours. Des courriels sont envoyés en ce moment à tous les étudiants par phase, par bloc. Et puis, on va être au courant pendant la fin de semaine de ce qui se passe par rapport à la semaine prochaine aussi. Il faut visiter le site internet de l'AGEUQTR, l'AGEUQTR.org. Voilà. Et je vais dire d'ailleurs, comme je dis à tous les étudiants qui ont des examens, même s'il y a de levée de cours, vous pouvez quand même envoyer courriel à votre prof, hein, pour être vraiment certain qu'il est au courant, qu'il n'est pas trop ça déconnecté de la réalité. Ça va rajouter du travail au prof, mais c'est fou ce qu'il faut. Hein. Ben, ouais. sont syndiqués et ils vont probablement avoir... Payer pour ça. Oui, c'est ça. Donc, Simon Fédibé, merci beaucoup. On remercie aussi Hugo Maillot-Couture et François Landry qui nous ont parlé de la grève aujourd'hui. On a parlé de ça beaucoup dans l'émission et on va faire la même chose la semaine prochaine. On remercie Gabriel, stagiaire. Oui, merci beaucoup. Ben, merci. Très heureux de t'avoir reçu toute la semaine et on espère te revoir à un moment donné. C'est sûr que tu seras rendu à l'université. Là. Quand vous voulez. Petit projet d'émission aussi, il serait pas pire. Ouais, oui. J'ai la pression, là. Un petit peu. On remercie tous ceux qui ont participé à l'émission pendant la semaine. On se retrouve lundi matin entre 7h et 9h. Lundi, on aura Xavier Artois, oui, avec sa chronique « Tais-toi, cuisine ». On aura Kiwan en cavale en direct de l'Alberta avec sa musique canadienne. Oui, on va parler de sport avec Nicolas Ducharme. Et on va parler de thé avec Xavier. Oui, c'est ça, de thé. J'ai hâte de boire du thé. Ouais. Restez sur nos ondes, ce sera CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Ça commence à 10h. Ensuite, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, 6 degrés avec Kim Bergeron. Je serai de retour avec Jasmine Raymond Drainville pour co-animer Les Palmarès C'est Fou entre 14h et 17h. Plus tard en soirée, La Spirale avec de l'Indie Rock à 18h. Et puis après ça, c'est de l'électronique pour toute la soirée. À 19h, 13e étage. 21h, Le Cortex. 23h, Onde de Choc. Allez voir le CFou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On va se quitter sur un extrait de Set the Well. We Are 1980. On l'a pas entendu depuis le début de la semaine et je pense que c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup comme pièce, François, non? Oui, c'est le nouvel album, ça, qui vient de sortir. Ouais. C'est bon. Ah oui, je dois l'écouter très, très bientôt. T'es écœurant. L'album qui s'appelle évidemment Little Mountain. Je dis évidemment parce que ça m'a donné le temps de prendre mon gelé dans ma main. C'est, tu vois, c'est, en radio, c'est toujours vrai. C'est comme subtil, aucune transparence nécessaire. Je prends note. C'est bon. Merci à tout le monde. Bonne fête de semaine. Bonne fête de semaine. À lundi. It's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless ear is a thing of the past. Down the trees and using our guys. So we've got mandarins, loveless sex, and inflammation passing right through our skinny the lesson known in spite. All the rules of my own that I break up in strides. Ignore my front back, ignore my left and my right. It's my morale compass, and it's easy to find. Well thought out, intentionally left behind. So gratitude, yes, but how could I ever sleep at night? Knowing I had rules and knowing I had to abide. We've got mandarins, loveless sex, and inflammation passing right through our skinny bones. It's the information age, a lesser consequence to the silence.